Je m'appelle Lucie et donc je suis la chanteuse du groupe Velvet. Et donc aujourd'hui, on est venu avec Valentin. Bonjour. Bonjour. Quentin. Quentin qui est un de nos deux bassistes et Valentin qui est notre guitariste. D'accord. Et donc tu es la seule chanteuse du groupe ? C'est ça. D'accord. Il y a des chanteurs avec toi ? Non. D'accord. Alors Velvet, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Velvet ? Alors, on n'avait pas d'idée de nom de groupe. Ouais. Et comme là, aujourd'hui, bah, je portais une chemise en velours. Oui. Puis on s'est dit, bah, Velvet, ça veut dire velours en anglais. Bah, allez, on y va. On y va. Donc, c'est devenu une évidence de prendre un nom anglais par rapport au groupe, quoi. Par rapport à ce que vous voulez donner, parce que c'est pas du jazz, c'est pas du blues, c'est pas de l'opéra. Non, bon, après, on essaye de mettre notre petite touche de français. On a un peu de jazz, d'un mélange de tout, ouais. De plein de styles de musique, et on essaye de réunir tous les styles que chacun on joue, ouais. pour faire un tout. Ce que je voudrais dire, c'est que ta tenue est assez étonnante, parce que t'es venu en nœud papillon. Ça, c'est, ouais. C'est un peu la signature du groupe, c'est-à-dire c'est que la signature, voilà, chemise blanche, veste, avec des bretelles, nœud pape et avec les bretelles. Avec les bretelles qu'on voit pas, mais qu'on devine. J'ai besoin de ta tenue bientôt. J'ai un truc vintage à faire. Si tu veux. Alors justement, ça a été facile pour vous de décider. Alors vous êtes combien ? 6 dans le groupe, tu m'as dit, ouais, tout à l'heure. 6. Alors il y a chanteuse, bassiste, un autre bassiste, deux, ouais. Bassistes, ouais. Un guitariste et un clavier et un batteur. D'accord. Comment est né le groupe ? Vous vous êtes rencontrés où ? Alors avec Lucie, le batteur et l'autre bassiste, on jouait ensemble au lycée. D'accord. Elle avait besoin de musiciens pour un concert au Club 15. Ouais, pour un concours. Un concours. Ouais. Ah. Elle nous a demandé, puis au final, bah, c'est, les a pris. Ça, en fait. C'est parti de ça. Et ouais. Puis le guitariste qui est mon frère, bah, il est venu se racoler au groupe. À tout, voilà. Le monde. Vous avez des formations musiciens, chanteurs les uns les autres ? Après, moi personnellement, je prends pas de cours ni rien. Autodidacte. C'est ça, après plus des cours de musique au lycée, puisque je suis en option musique à Jonzay. Donc j'en fais toutes les semaines. Et après, les gars, je sais que Mathieu, donc le batteur, prend des cours. Donc nous on est autodidacte. On a commencé il y a 5-6 ans. Ah oui ? Sur quel instrument ? Autodidacte sur quel instrument alors, les amis ? Alors, guitare pour mon frère et basse pour moi. Vous jouez sans avoir jamais pris de cours ? Non, jamais. Qu'il faut quand même dire qu'ils sont tout jeunes. C'est assez impressionnant. Voix, voilà, ils sont tout jeunes. Ils sont en décalage aussi par rapport à l'image que vous donnez. Je vois sur votre page Facebook, pour ne pas la nommer, Velvet Group. Finalement, la photo d'illustration ferait presque penser à un film sourd et muet dans vos costumes, dans votre manière, vos influences jazz. D'où vient ce décalage de ces influences-là par rapport à votre âge ? Bah, justement, on aime bien s'habiller. On aime bien s'habiller, quoi. Mm-hmm. Ouais. Et sur scène, quand les gens ne connaissent pas, ils vont se dire, oh, ils vont faire de la musique un peu plus classique. Et ils sont surpris. Et voilà, c'est un peu de la surprise d'entendre de la guitare saturée. Ils sont surpris. Oh, on aime bien créer un certain décalage par rapport aux tenues et aux musiques qu'on fait. Donc, c'est vrai que ça surprend assez les gens. Qui compose, écrit les textes ? Alors au niveau des textes, c'est moi. Mm-hmm. Après, je peux avoir en tête certaines mélodies, par exemple, mais je vais toujours demander aux garçons d'agrémenter un peu plus avec, parce qu'ils ont quand même beaucoup plus de connaissances point de vue musique que moi, point de vue tout ce qui est gamme, accord, etc. Mais moi, c'est surtout tout ce qui est partie écrite et mélodique, en fait. Les gars, c'est plus tout ce qui est vraiment musique. Voilà, c'est qu'on va avoir une idée chacun de ce qu'on veut créer comme musique, quoi. On rassemble tout ça, on travaille et... Vous les enregistrez où pour l'instant, vos titres ? On les enregistre à Polysonic. Voilà, nous on répète à Polysonic, et puis c'est eux qui nous prennent en studio aussi. Adresse Orléans. À Orléans, au 108 rue de Bourgogne. Au 108, il me semblait bien que c'était ça. Les scènes, vous parliez tout à l'heure, vous avez fait le Club 15 donc ? Oui, on a fait. J'ai fait le concours Jeune Talent de base à Orléans. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'avoir des accompagnateurs. Et donc, c'est vraiment c'est de là que le groupe est né. Et on va normalement le refaire aussi, le concours Jeune Talent. On le refait tous ensemble le 13 mai. Le 13 mai, le 13 ça. Mai, voilà, pendant la session du 13 mai. Ah, c'est très bientôt. Ouais. On peut y assister ? Ah oui. Date est prise, le 13 mai, c'est le soir. L'EP qui va pas tarder à sortir avec un des morceaux qu'on a entendu, Moon and the Platform. Moon and Platform, voilà, c'est voilà. Ça. Alors, Moon and Platform, qu'est-ce que c'est ? Je vais répondre ici. Moon and Platform, c'est notre première composition, en fait. Et ça a été, on l'a créé justement pour le concours Jeune Talent au Club 15, en fait. D'accord. Et c'est parti sur un truc tout bête. J'avais déjà écrit des paroles et j'ai demandé à Quentin, parce que c'est lui qui a composé le riff de basse. Et c'est parti vraiment sur une impro totale au début, mais après c'est parti sur un truc génial et c'est une musique qu'on adore jouer parce qu'on s'éclate vraiment tous et généralement appelez bien aux gens cette musique-là parce que ça bouge vraiment puis ça nous représente bien en fait. Donc elle est née de là en fait cette musique. D'accord. Est-ce qu'il y a des reprises ? Au début, on faisait des reprises. Oui. Toujours du même style, rock, voilà. Maintenant, l'EP va sortir et on a d'autres compositions derrière. D'accord. Donc, on n'a pas de reprise. C'est seulement de la composition. D'accord. Et comment va s'appeler l'EP alors ? L'EP, c'est Éclectique. Éclectique, d'accord. Ce que je propose, on écoute tout de suite un deuxième morceau, donc avec nous, Velvet, sur Arc-en-Ciel. Direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il s'agit du groupe Velvet. Alice, et oui, c'est Alice qui chante. Alice, à l'école, c'était évident de chanter directement comme ça en anglais, d'essayer de chercher l'intonation que tu voulais donner, l'expression, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on n'a pas pris de cours de chant, de vouloir donner cette émotion. C'est plus facile sur de l'anglais, du français que tu as voulu faire ? l'un ou l'autre, ça me dérange pas en fait. Après, c'est vrai que d'accord. le français, pour tout ce qui est émotion, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui. J'ai plus tendance après à communiquer avec le public en anglais parce que je pense que je maîtrise pas trop mal au niveau de l'accent, même si je suis pas super forte en anglais. Mais c'est vrai qu'après, les musiques en anglais, ça a tendance à plus emmener quand même un public assez jeune. Mais c'est vrai qu'après, les musiques en français, j'aime aussi beaucoup, beaucoup en chanter parce que d'accord. c'est vrai que j'ai plus tendance déjà à communiquer plus facilement. Et comme ça, tout de suite, tu pourrais nous faire un petit morceau à capella. La question, je vais pas dire aux musiciens de faire de la basse ou de la guitare parce que ça va être difficile. Mais vu qu'on a la voix là, on peut en profiter. On peut la laisser réfléchir en parlant des prochaines dates, par exemple. On va parler des dates. En attendant. On t'oublie pas, t'inquiète pas, on revient. Le 27 mai, vous serez à Châteauroux. Voilà, c'est ça, au pub. Au pub. Bah, parlez-nous de cette soirée-là. Vous allez présenter les nouveaux titres. Voilà, on va présenter l'album qui sera sûrement disponible d'ailleurs après le concert en vente. Très bien. C'est à partir de 21h. Voilà, à partir de 21h. On n'est pas les seuls groupes à jouer, c'est okay. une music meeting session. Donc il y a 3-4 groupes qui vont venir jouer. Mm-hmm. Et on fera partie de ces groupes. Formidable. Ça sera votre première grande soirée comme ça, dans un café, dans un Vous bar, avez déjà joué, non? Oui, on joue régulièrement sur Orléans, aux alentours. Dans quel café d'Orléans on peut vous trouver? À la Seine-Bourgogne. Mm-hmm. On a joué au Club 15. Et bientôt en juin. Oui. On aura sûrement une date à la Seine-Bourgogne le 10 juin. D'accord. Ensuite, on s'exporte un petit peu autour de la région centre. Le 17 juin, pour la fête de la musique, on a deux dates dans la même journée. Ah, vous serez où pour la fête de la musique? Alors, l'après-midi à 14h45 à Bouzy-la-Forêt. C'est pas loin, oui. Et à Épernon, en Eure-et-Loire, le soir à partir de 20h30. Pour la fête de la musique aussi. Mais elle révise quand le bac? Non, si, ça va, j'ai le temps, ça va, je m'en sors. Elle n'a pas le choix de toute façon. Voilà. C'est ça. Donc ça, ce sont les prochaines scènes. Et puis de toute façon, si on veut retrouver toutes vos dates, on va sur votre site. Sur la page Facebook Velvet. VELVETREMAT. Parfait. Alors on se retourne vers Lucie. Eh ben oui, Lucie, Appelle, réfléchis. Bah, je vais mener une plateforme de toute façon. Ou tu veux que je te mette la bande et tu chantes dessus? Eh ben si tu veux, ouais, on va y arriver. Je suis comme ça ici, il n'y a pas de souci. Il faut le faire, hein. Elle l'a fait. Eh bien oui, en live, merci, bravo. Alors donc l'influence de l'EP va être un petit peu comme Moon and Platform. Il y a beaucoup de musiques différentes. Ouais. Donc celle-là, elle fait rock, elle groove pas mal, il y a du slap à la basse. Ensuite, on a plusieurs morceaux, donc on a un qui est plus funk. D'accord. Donc c'est funk. On va en avoir qui est beaucoup plus metal. D'autres plus rock progressif avec des riffs compliqués, des temps complexes. Et c'est un mélange de tout. Ouais, c'est ça. Il y a du jazz. C'est vraiment un mélange de plein de styles différents. D'accord. Et sur scène, donc, vous avez un set de 3/4 d'heure, 1 heure à peu près? Ouais, on tient 1 heure. Ouais. Si on rajoute des musiques, parce qu'on a des musiques qui sont pas dans l'EP, on peut tenir 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Il y a des clips qui sont prévus avec ça? Pas pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur la sortie de l'album et sur les scènes. Sur les scènes, voilà, et on verra ce qu'il en découle après. D'accord. Et c'était difficile de choisir parmi les quelques morceaux, si vous avez d'autres en stock, on sait jamais, de choisir pour l'EP ce que vous vouliez vraiment mettre en avant tout de suite, parce qu'un EP, bah forcément, c'est pas 50 titres, c'est, voilà, faut choisir. Oui. C'était difficile. À ce moment-là, on en avait moins. D'accord. On en avait moins, donc, et puis on a enregistré il y a un petit peu de temps de ça. Ouais. Donc entre temps, on a eu le temps d'écrire entre les différents enregistrements pendant les répètes. Mais on a réussi à avoir un rendu de l'album qui nous plaît, donc c'est l'essentiel. Oui, parce que c'est pas évident d'être à 6 et de dire ben, forcément le bassiste va entendre sa basse, la chanteuse va entendre sa voix, et de mixer le tout, c'est pas évident. Et puis après, avec l'ingénieur du son, c'est lui aussi qui met sa patte et sa couleur, et peut-être que ça correspondait un petit peu moins à ce que vous auriez voulu, mais ça ressort l'affluence du coup, vous avez réussi à retrouver l'émotion, les sensations que vous lui donnez dans les morceaux quand même. Ouais, voilà, c'est ça, on a un ingé son qui a super bien fait bien compris. Son boulot, et qui a mis en avant ce que nous on voulait, on a travaillé avec lui. Ouais. Il a réussi à nous sortir des titres qui sont comme on les joue vraiment nous. Elle a été super. Hein. Ouais, voilà, il a bien travaillé, ouais. Et il nous a accompagnés tout le long, quoi. Pour un morceau, vous avez fallu combien de temps pour, par exemple, pour le premier? Le premier pour le créer? Oui, pour le mettre en boîte, on va dire, hein, au niveau des répétitions, au niveau de la prise de son, ça a été long, parce que. Un groupe professionnel, forcément, on va dire qu'il met moins de temps, mais c'est pas toujours évident. Mais il y a des bons groupes qui arrivent du premier coup. Donc, c'était assez facile quand même pour vous de vous accorder, de réussir à mettre ça en boîte rapidement. Nous, ce qu'on a fait, c'est que avant, on répétait chez le batteur. D'accord. Et on faisait des répètes qui duraient, 5-6 heures. D'accord. Donc, au bout d'un mois de travail, c'était à peu près propre. Et l'enregistrement, ça met quelques heures. D'accord. Enfin, le temps d'enregistrer, que tout le monde soit disponible. Bien sûr. Et après, bah, y a l'ingé son qui doit faire son travail. Ça met aussi quelques semaines. Voilà. Oui. C'est ça, sachant qu'il n'a pas que nous, quoi. Bien sûr. Et après, bah, c'est avec les entreprises de pressage et tout. On y est depuis février. Ouais. Février. Ouais. Fin février. Bon, ça a quand même été assez rapide. Oui, ça va, ça va. Parce que c'est pas évident. C'est arrivé des petites anecdotes de concert où ouais, la chanteuse elle est complètement lâchée, elle part sur un délire ou autre chose, ou les bassistes ou le guitariste partent. C'est plutôt les musiciens qui partent sur des délires. Et là, la chanteuse elle dit waouh, où est-ce que je vais reprendre mon couplet, non? Bah, ça nous est déjà arrivé. Parce que le problème, c'est que comme on essaie de faire des musiques assez complexes, on a des parties, certaines parties qui sont assez spécifiques à une musique. Oui. Et après, c'est vrai que si par exemple il y en a un qui enlève une boucle à la partie, du coup, ça m'enlève des paroles, donc il faut que je retombe sur l'autre couplet, oui, d'après, mais au final on arrive toujours à se reprendre bien et je crois que ça se voit pas trop. Non, j'espère. Bon, enfin, j'espère, mais on essaie de le cacher en tout cas. Voilà. D'accord. Qui du groupe démarche pour retrouver justement les lieux de concert, etc.? Alors il y a moi, mm-hmm, et le batteur qui est pas là aujourd'hui. Par contre, on n'a pas entendu ton frère là. Est-ce qu'il pourrait nous dire un petit mot au micro là? Il est timide. Valentin. Valentin, quel instrument joues-tu dans le groupe? Moi, je joue de la guitare électrique. Ouais. Depuis 2012, comme mon frère. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait jouer de la guitare électrique comme ça? Ça t'est venu ou tu... Bah, en fait, je regardais. J'irais dormir chez vous, en fait. Et je voyais un gars jouer de la guitare et je me suis dit, ouais, je vais regarder ça. Et ça t'est venu comme ça, voilà, très bien. Ça. Sans cours. Tu as quel âge, cher ami? J'ai 16 ans. Le 22 avril, je viens d'avoir 16 ans. 22 avril, 16 ans, bigre. On a le batteur qui est à la fac, là, du coup, qui a terminé ses partiels. Il y a moi et Valentin qui sommes au lycée. Et après, il y a Maxime aussi, notre clavieriste, qui est aussi au lycée. Après, sinon, les autres, ils sont des études supérieures. Ils sont bien plus vieux. Ah ouais. Non, ça va pas, toi. Ils sont tous jeunes. Ils sont tous jeunes. Bravo, parce que c'est à votre âge de créer comme ça un groupe et puis d'en être déjà là, dans l'aboutissement de vos titres. Vos titres ont une maturité dans l'interprétation et dans l'écriture qui est assez incroyable. Notre jeunesse a quand même du ressort. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est génial. Et continuez comme ça, faites-nous de belles choses. Faites-nous rêver. Et faites-nous rêver, hein. Tout on, à fait. On espère que ça va continuer. Hein. Mais en tout cas, prochaine date pour vous applaudir, c'est à Châteauroux le 27 mai à partir de 21h au pub. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis il y aura des dates à Orléans. Voilà. On l'avait dit, alors à Orléans, il y aura le 10 juin normalement, le 10 juin à la Seine-Bourgogne. Et ensuite, ça sera le 17 juin pour la fête de la musique. Épernon et Vouzy-la-Forêt. Et le 17 mai au Club 15, du coup, pour le concours Jeunes Talents. Et sur Internet, pour vous découvrir, c'est velvet.group, sur Facebook, entre autres, pour vous suivre. Et sur votre site, groupevelvet.wixsite.com. Voilà, c'est ça. Mais moi, je remercie énormément le groupe Velvet d'être venu nous voir. Hein. Merci. Tenez-nous informés de l'actualité. Patrick, on va devoir se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end. Bye bye tout le monde. Bon week-end à tous les auditeurs. Allez, Radio Arc-en-Ciel, il est 14h.